Mix sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. Electronic Festival. Fun. En simultané sur Fun Radio. En plein cœur de l'Inox Electronic Festival, c'est John Dalbach au platine.

En direct de Toulouse sur Fun Radio. Fun Radio. Dance Floor, c'est dimanche soir et jusqu'à 6h du mat, c'est la dernière soirée de l'Inox Electronic Festival, 6ème édition avec Fun Radio, avec encore un beau programme hein, toute la nuit. Il y aura aux alentours de 2h le DJ suédois Axwell, à 4h le numéro 1 des clubs Laurent Wolf, et là depuis minuit et jusqu'à 2h du mat, c'est John Dalbach depuis la dune de Toulouse. Inox Electronic Festival, en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. En direct de l'Inox Electronic Festival, en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. disco. Radio de la Teuf, c'est Fun Radio et le week-end est loin d'être fini, sérieux. Hein. Jusqu'à 6h du mat, on fait la grosse fiesta sur Fun Radio avec la soirée de clôture de l'Inox Electronic Festival. Ça se passe en direct de la Dune de Toulouse. Depuis minuit, là, c'est John Dalva qui mixe. À 2h, rendez-vous avec Axwell. Et dès 4h du mat, pour finir en beauté, ça sera l'envol sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. 0033 825 085000. Fun Radio. Plein cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est John Dalbach au platine.

l'Inox Electronic Festival en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. Festival Fun en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. sur Fun Radio. Fun Radio. De l'Inox Electronic Festival. C'est John Dalbac au platine. Electronic Festival. Fun Radio.

Teuf toute la nuit, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. Et là, on est en train de vivre ensemble la dernière soirée en direct de la Dune de Toulouse, soirée de clôture de l'Inox Electronic Festival. Et croyez-moi, ça va encore envoyer du lourd hein, toute la nuit. Dès 2h du mat, ce sera Axwell, le DJ suédois. À 4h du mat, le numéro 1 des clubs, Laurent Wolf, pour bien finir la Teuf. Et donc là, jusqu'à 2h du mat, on continue avec John Dalbach sur Fun Radio. Jusqu'à 6h du mat, c'est l'Inox Electronic Festival. Fun, en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. We'll be right back. succès de John Dalbach. Inox Electronic Festival. En direct de Toulouse sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. Fun. En simultané sur Fun Radio. Inox Electronic Festival. Fun Radio. We'll be right back. Linox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. John Dalbach au platine. En direct sur Fun Radio. Fun Radio. nationaux, platines. C'est l'Inox Electronic Festival en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio, en direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse. Festival en simultané sur Fun Radio. Fun Radio. inside. I want you to know this time they never gonna stop this shine. I feel so high. Festival Fun en simultané sur Fun Radio. Yeah. cœur de l'Inox Electronic Festival. C'est John Dalbach au platine. C'était John Dalbach en mix sur Fun Radio et toute la nuit on vous fait vivre la soirée clôture de l'Inox Electronic Festival en direct de la Dune à Toulouse. Bon, 4 heures, hein, ça va être encore énorme, ça va se finir en beauté avec Laurent Wolf et donc dès maintenant et pendant 2 heures on reste dans l'univers suédois, c'est l'un des boss de la Swedish House.